بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, quand la terre sera secouée par un ultime séisme et qu'elle fera sortir ses fardeaux, l'homme dira « Qu'a-t-elle ?» Ce jour-là, elle comptera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Ce jour-là, les gens sortiront par groupes dispersés pour que leur soient montrées leurs œuvres. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque aura fait le poids d'un atome de mal le verra.